joie. Sans doute avait-elle compris pour la première fois qu'il était inutile de garder rancune à l'autre femme. Si, s'était-elle dit peut-être, s'il était possible de se faire baiser ainsi, chaque fois qu'elle en avait envie. L'autre pouvait bien réclamer autant de droits qu'elle voulait. Quelle importance! Quelle importance! Peut-être lui vint-il à l'idée pour la première fois que la possession n'est rien si l'on est incapable de se donner entièrement. Peut-être même à la tête jusqu'à se dire que ce pouvait être mieux ainsi. Mieux que je fusse là pour la protéger et la baiser, et non pour essuyer ses colères, fruit de ses craintes jalouses. Fruit de ses craintes jalouses. Fruit de ses craintes jalouses. Fruit de ses craintes jalouses. Fruit de ses craintes jalouses. Si l'autre arrivait à se cramponner ferme et à m'empêcher de cavaler avec toutes les petites roulures que je trouvais sur mon chemin, si elle pouvait se me partager entre elles deux, tacitement bien sûr et sans gêne ni honte, peut-être après tout, cela vaudrait-il mieux que le vieux système. Cela vaudrait-il mieux que le vieux système. Mieux que le vieux système. Mieux que le vieux système. Mieux que le vieux système. Mieux que le vieux système. Mieux que le vieux système. Mieux que le vieux système. Oui, se faire baiser de la sorte, sans crainte de trahison, baiser un mari qui n'est plus qu'un ami, ou un amant de nouveau, sait-on jamais. Prendre de lui ce qu'on veut, l'appeler quand on a besoin de lui. Partager avec lui un secret qui a toute la chaleur de la passion. Revivre les anciens foutrages, en apprendre de nouveau. Voler l'homme d'autrui tout en ne le volant pas, mais se donner avec plaisir et abandon. Redevenir jeune. Redevenir jeune. Redevenir jeune. Redevenir jeune. Redevenir jeune. Redevenir jeune. Redevenir jeune. N'y perdre rien qu'un lien conventionnel. Mais ce pouvait être tellement. Tellement mieux, tellement mieux, tellement mieux.